بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قدس العارفين وإمام السبيتين أبي العباس أحمد بن محمد السجاني وخلفائه المفسدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين. أما بعد، جمنا بن سنتي الله جلتين انتبه صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله تعالى سيبونيكو سنبرام سبحانه وتعالى ما نبقو دقلي جمنيو جيخل لأدريسو واللو حديث بما حملتين من لدنيكم ما نبقو حديثو حديثو حديثو بني قربي wala wala bismillah wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa ingo kon hadith ko lañu wara jang na ko nan an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qala qala ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an al khamr tattakhadhu khallan qala la wa khadahu muslim at-tirmidhi qala hadithun hasan sahih benga an Anas ibn Malik dem nañ ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu no xala ne suila laj na rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndaw yalla sallallahu alayhi wasallam al khamri ci indi ci walu ngara bo xamne mom tutakhadu def nako ci soppi ko khamran na khallan ci mega ala yeenti sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje ci walu ko ndax def nako def wala def wala ala bu tontu lan la ye def akhrajo hadith bo kom solo genn nako solo na imam muslim ñu xamé rahmalallah wa tirmidhi ak imam at-tirmidhi rahmalallah alayhi wa qara mun hadith bi hasanun sahih lo wax ne hasanun sahih wala waxna jël bi manam wala donc hadith bi am inshallah taala mom moy hadith bi nga xamne mom moy bi ñëk ci buntu bobu izalatul jalsat mo bayani wax legi kon masala yi nga xamantene mom la tollon ci ñun manam gisul nañ do masala ku istihala manam istihala kon en réalité kon ben jur lu mo xamantene manam qaida la en fait qaida la manam li aji ci walu istihala xam ben masala la mais dina dugg ci ben groupe biñu yo xamantene dañ koy wax asbab wal nadahil manam moy ay mbir yo xamantene dañuy jige wanto nuru ce qui fait que lool tout temps dang koy meuna reporter ci mbir mom manam dang ko ci meuna xamé bo xamé mbir mi naka la demé manam moy mbir mi su fekkete dafa sorti nature di sorti nak dalika su ko contene dafa lapp day dal ni ci bu sobe wo dem ci nek lu lapp voilà hein lool moy istikhala xam niñ ko gisse won sax gisse won na ci exemple yi nga xamanteni tam mom mo ci mom lañ ci xam mom monam mom lañ ci tewlu won sax bi wessu wallahi alhamdoul ñun legi kon mu def ñu wara dugg tay inshallah ci yeneene masala yo xamanteni ba ci manam da fay rassasew ak istikhala bobu manam moy wala mu jégué wal mu jégué ko moy tay buma jëlé sangara bi dara dik gis nañ ci cadre figure bi nga xamantene moy dama jël sangara bi ma transformer ko ma dugal ma soppi ko ma def ko inega lolu gisoon nañ légui ko ak wouté yi ci borom xam xam rahmatullahi wouté ci dagal na wala dagalul waye gisoon nañ li ñu xam tane inshallah moy li note moy li nga xam ni manière générale ak bay yi nek ci bir mom la fuqaha maliki rahmatullahi alayhi wa manam ak fuqaha wa hanafi rahimahumullah manam ci ne han lolu dina lan dina mën na ne inshallah légui par contre ñu wara gis tay inshallah ci xétu masala bobu manam ci walu kon sorti bobu ci xala bobu cadre figure ma ngi tagu den dama jël sangara gi legui ma duggal ko ci ma diko togal manam ma duggal ko ci ma manam may togu sama togu manam xadam ma daldi jël sama meru wala fe blanc wala ko ci duggal ci affaire bi hein ba xala legui lolou lan moy acte lan moy acte masal bobu tay inshallah mom lañu wara gis wala bok nañ ko wax nene manam moy dama jël sama sangara manam mo jël sangara ma daldi koy jël daldi luma ci manam soustraire ci benn parti manam mo jël benn parti ay molecule ci sangara ma yor sama garab ak sirin ñu dañu prendre wala leneen ha lu mëna doon bon yeen yoy souvent yoy du ci am né benn garab en tout cas ci jàmbé ma duggal ko ci ko garab bobu nonu dina ko mëna jël nan ko wa wala bëb wala bok ñu waxé ko leneen manam tay bu ma jëlé molecule sangara bobu mu suturé ko ci sangara bima yor ak mu jël ko mu duggal ko ci benn format wala ha ma duggal ko ci format wala bok ma jël ko duggal ko ci froté manam ñi froté wala ma duggal ko ci diw yow mi ñi diw wala ma duggal ko ci lan le colène duggal ko ci parfum wala manam moy ma duggal ko ci jitt wala gëtt lay wax yoy yep ana lan mom moy acte bi hein bobu dañ nan acte bi mom moy manam bu boba ma ala bobu yeneen ma ala la bo xam tane dafa jige wanto ak ci xala lu ben adi ñom ñaar lan lañ bok ñom ñaar ñep mom moy produit bi dafaul respect entièrement limu doonal parce que dafa dugg legi ci yeneen ni produit maintenant dina soppé ko manam ki bi dina soppé ko manam nature produit bi dina soppé ko mais du soppé ko totalement lolou moko wouté istikhala istikhala produit bi da fay soppé ko totalement ba changer nek lenen ay de comprendre du soppé ko complètement nek dina wala etc wala bok comme ay nafere yo xamantene dafa lak lak lak bo soppé ko totalement nek doum wala ñu jël wala masala yi nga xamantene mom lañu waxon ci yéne wax alors que fi soppé ko wul totalement donc yi ñi cadre figure yi ma préciser légui yi ma wax légui diko wutalé kon ak cadre figure ala lool la ñu jégué wanto nañ légui ma laaj bi mom moy def ko xam bu boba mais yi nga wax yépp mom gaay dañ koy def ko bax bu bax la bobu tontu bi mom moy dafa am ñaari cas def bi yo xamantene borom xofam yi rahmatullahi dañ ko xajale lolu yépp borom xofam tax ta yima tuddu yépp nekul dénu groupe ci té manam dénu groupe la mais du dénu groupe ci té bu borom xofam yi japp comme étant dénu groupe indépendant mais dañ ko jël xajale ko ñaari xat ñom tay xaar bu ndik bi ñoom ñepp ñu d'accord ci haram bi bu haram moy lan moy bi nga xamantene du ko yi nga xamantene du pour fañ yoy mom do dem ci benn xéetu borom mo xam mu na la nangam de lol da dagal am lol amul am pa parce que yi nga xamantene non lañ ko gisu won xanaf yi rahmatullah alayhi Papa Hanafi rahmatullah alayhi ñom dañu japp lan ñom dañu japp ne sangara ñom ak diñu différencier entre khamr ak mustif comme niñ ko gisu won manam luy sangara ak luy mandela ñu ko différencier wala te gisoon nañu li dina note mom moy lan lepp luy mandela te lol sangara du dama xalif di wax ne kullu mustif khamrun wa kullu khamr haram kullama qalilu kathiru wa kullama askara kathiru khaliru haram lepp lo xamantene da fay manam lepp luy mandela te lola sangara la sun te lepp luy sangara da xaar bi hadith bi ne lepp lo xamantene lu baye ni mandela te lu tuti di haram kon lolu mom mokoy kon lolu mom moko sutela manam kon sangara ci buntu bobu da fay dal nek lo xamantene nga duggal ko ci lo xamantene dafa yow dafa la lo koy rendre da koy sauver parce que nak sangara mom ci jëmm bopam dafa nek lo xamne sauver la am nga xamne non lay ko gisse won ci masala bob manam yef ay masala la yo xamantene dig nañ ko masala yi nga xamantene mom lañu nek motax ci ci furu alañ manam ci ramification masala question rek lañ ci masala yi nga xamantene ñom ñoy général yi nga xamantene mom lañ jëkko gis ci ci yu général yi nga xamantene mom lañu jëfëm gi lay kon buñu xolé masala kon sangara bi nga xamanteni dañ ko jël kon mo souscrire ko mo duggal ko ci ci produit bo xamanteni produit bob mom latna lolu jox ci nek mom moy ben produit kété mo am capacité bu ci duggé nan du ko sodé produit bob lan la ndox voilà ba lan moy lan mo koy tektale ma sha Allah wala jazakumullah khairan serif ma sha Allah wala lol innal ma atahurun la yunjitu fi yanti sallallahu alaihi wasallam hadithina abu sa'id al khudri radhiyallahu ta'ala bu nek fan ci wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa won taxawo ok lol jago na kon moy manam ñet ñi xalaata ñet ñan lañ abou daud wa ibnu madja moy 4e imam abou daud ak tirmidhi ak an-nasa'i sallallahu alayhi wa sallam ko sax ahmad baram ko imam ahmad sallallahu alayhi wa sallam ci musnadam kon hadith bob mom moy wax ne kon ndox dafa la ni la balat ci tarou ko sobel dina dir ko ndox mom comme capacité bob mu am moy bu amé lu sobe bu ci duggu su fekk ni fek sobe bi sokki wul chak gi wala xel gi wala melaw taw mais lolou ndox rek mu am capacité bob mu am capacité mu ne rendre bopam bob yene lu dul ndox amul capacité bob ci ko dir ko kon tay buma jëlé sama mew ma tek ko ma da jël ben top dara duggal ci top dara bobu daf ko daal yak même bu fekkene soppi wul chapte yi mi xedd ni melo ak jaat lan la sobe la comme niñ koy gisee insha Allah ta'ala ci hadith yi di ñew legui question kon suñu question ci la di la delu ci wat ci ko lepp lo xamantene sobe la dam ko jël manam muy sangar muy lan sangar ak kessé muy comme lo xamantene buñ ko jël ci manam mako wala ci lepp lo xamne duñu lek ya ba ndax bo xamne da ni solo wala gelatine wala gelatine a part mu nek gelatine lo xamne dañuy lek ya ta dañuy lek ya ko mais ke ñu rendi ko rendi bu l'islam nang ñu rendi ko rendi bu l'islam nang wala bok ñu jël ko ci am go xamne l'islam nangu do yoyu mom boko jëre ci produit bu yak produit mais ci kentene benen dir la bu mëna don tant que mim ci traçabilité bobu ñu nan nangam pourcent la ci wala trace la ci am wala yoyu da ngay da di nek lo xamantene manam ci paraître totalement parce que amna différence entre ñu nek jang rek alcool bi day li day tour d'alcool bi dafa touti ñu nek tour d'alcool bi ci am ba inexistant amna différence et que bu fekkene dafa dem ba inexistant lolu garawul parce que nekut mais buñu fekk mi ngi ci am ay trace mi ngi ci am jeex na 1 gram xawmu sur nangam ak li nangam 1% yoy batay moy ci du présent ci produit bi mi ngi ko beuy voilà geru gi geure 2% mi ngi présent ci produit bi c'est que dans ci produit bi mom moy yak produit bi mom moko yak moy yak produit bi parce que ndox rek lolu ndox rek mo am capacité bobu nan lañ xamé ni ndox rek mo am capacité ci vente bobu moy hadith biñ wax légui mais nan lañ ko ci comprendre hadith biñ wax légui nit mën na la non man comprendre na bu yenen ci sa sa ne na ndox dafa laté la balaté da dara limi tekki moy ndox man lool mais amu dara ñu téré né ndox man mëru lénen lu du ndox mëru nan lañ ko xamé waaw mais non am na luñ koy xamé ci même hadith bi waaw Voilà. Légi ñu déllu ci wax suñu question bi légui man suma jëlé kon sobé buma jëlé sobé bu mëna do muy gelatine de poids wala gelatine ki animaux yi nga xamantene réndi leen ci yoon bu xari anango wala bok do pure pure en tout cas xari anango ko wala bok mu nekk ay molécules sangar alcool wala yeneen ak yoy yip bu mu ko jëlé mo def ko ci sama parfum sama geut wala mo duggal ko ci dir produit bo xamanteni ci ko wara lek comme bonbon yi ko yerni ba tangal ci ta wala bo mo duggal ko ci manam ñam bo xamanteni dama man cuisinier la damay tok ma jël soti ci tout neena nda day evaporer wu nangam mais bon ci daf ci def wala et cetera manam cadre cuisine yi ci def yi ñu wax yépp bu boba dañuy wax ni yoyu dafa haram borom xam xam yi rafetale bu ko nañ ci lool bam def groupe bu ndaw li yeme nak moy groupe bu ndaw ñoo Bukhari ci dem bokk ci la bokk ak ñoo Allah mais motax Imam Bukhari rahimahullah bi sikkelo ci ne non en fait loolu du ci mom en fait question istihal lay bu ngey visiblement mom lay wax parce que xane kullu man yuklamu fi sabilillah wallahu ya'lam bimman yuklamu fi sabil khalid bobu muné yati yawmal qiyamati wa jurhuhu yas'abu daman lawnuhu lawnu dami wa rihuhu rihul misk khalid bobu li indi subhanallah subhanallah ana khalid bobu li indi ci xexam ngi tektale ne lu limi am dafa soppeku do lu jeleti caractéristique c'est à dire que manam pour mom manam moy cadre figure bi ñu wax sax manam mom dafa japp ne sans bi dañu kepp ko xamne dañ ko jam ci yoonu yalla yalla nak mo xam ana kan lañ jam ci yoon loolul ne bu ñewé yowmal qiyamati bareetam bu wal manam suñ ko jamon motax bi ñu leen sangu ñam manam lool bokku na ci li tax bo bokku na ci li tax mais vraie raison bi mën na baña nek tax lool mais que vraie raison bi comme li imam ibn ashur rahimahullah wax moy dami buñu xolé deug moy maqasidu sharia manam objectif du sharia di djiblu ci yenn xey yi mi teural moy ne buñu gisé lutax duñ ko sang buñu parce que hadith bi dafa né bu ñëwé yowmal qiyamati dara tam day wal manam fiñ ko jamon jam jam bi day wal dara yenen gi nak couleur bi couleur derrière la mais xet yi xet nit ci lay doon kon mune lolu visiblement da ngay gis ne day melni hadith bi lolu motax kon duñ ko sang mais en réalité du lolu buñ ko xolé ni gis ne amna benen process bu mak bu ci nek mom motax moy lu fa ke ñu nek ci guerre ci xex ñu préoccupé wu ci di sang ak di dulle manam ñi nga xamne ñom ñoy ci manam ñi dé victime bi martyr bi wala martyr yi ñu leen di topoto di leen sang di leen dulle ak tamit psychologiquement manam ci bir xex bi nga nek ci bir guerre psychologiquement affaire bobu ni mu lay mëna marquer ak ni mu lay décourager lo ci wala yu mel non ni mu mëna atteindre pour nak woyé fa lepp ci bir mi ñu jël lay def ñoon duggal leen ko bon loolu ñu benen stress la wala loolu ben stress la mais mënu ñu wax tam sax ba tay bu ci ne loolu rek mom moy stress manam liñ mëna wax mom moy stress dañoo bari wala ala kulli hal comme buñu delu fe ci ñu masala ko dañuy wax ne bo ma ko wara ko dippo nañ ci ne bobu xex dafa xam manam ci gatal ci ñent masal bi amul kenn ku ci wax ne yoyu haram yoyu buñ ko jëlé duggal ko ci biir produit bi après produit bi lay lap dëgg amul foudé sangara nak dafa gëna graw encore ak même yi nga xamantene ñi wax sangara lap na parce que waxon nañ ko gisoon nañ ko nek am na ci sal am na ay nit yu bëro gi ak ci sharia ci l'islam ño xamantene dañuy wax ne sangara lap na du sobe du sobe nañ ko ma ala bobu léral won nañ ko même ñooñu nonu lolu mënu ñu ci sukkandiko ne comme que sangara du sobe bu nekké ci sama produit c'est à dire que ci sama xabu wala sama parfum wala sama diw wala et cetera que ni sam lekumako consommumako rek dara consommumako garawul boba dañ nan la lolu même lolu du mu nek lay ci ñooñu lutax ci alquran ginnaw bi mu waxe ci ñoom bu leer ke ni sangara rek xaram dox ci nek ci jittani bubu na ngeen ko sori na ngeen ko fay ko dapp ne nañ ko soori nak moy warulo ko jël ko tek ci xéram dañu ke même bu jappolé dafa haram kessé mais sobe wuul tamit mënu ñu ci sukkandiko ne manam dagan na comme ñu diko duggal ci suñu lan ci kaw loolu loolu mom moy benn parti mom mo bokk xobi dañu ke dañ ci depp a par comme ñu ko waxe na fi rahmatullah lan ci li ñu considérer né loolu mom moy sangara ak nga xamne considéré ci ñu du sangara sama tala bobu biñ ko gisé gis nañ ci anam bu leer kër ci tal bobu ñu def bu tekkal tal bo xamantene bu mata def na lutax simple raison moy né sangara alcool bi ñuy wax ben molecule éthanol la molecule éthanol bobu mom moy waral nit ki mandi kon li mandi la fi yépp effectivement ko ñu ci waxe mu waral la manam da fay dal dañ koy dal meuna duggal ci groupe ci sangara ak no processus bo meuna def am molecule bobu lool mom moy sangara par lolu benn question la benn masala bi nga xamantene kon mom moy ñew ci walu gog manam ci ñaari groupe yoy moy bi nga xamantene par contre legui dañ koy fajo bi nga xamantene dañ koy fajo tamit borom xam xam rahmatullahi alayhi de manière générale dañ ko haramal lutax ndax li yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ci hadithu ibn mas'ud bi radhiyallahu anhu ngi taxé yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne innal ladhi anzala da'an anzala dawa'a la ta'awu bil haram yo xamantene mom moy wat yalla mi nga xamne mom moy wate inna allaha alladhi anzala da'an yalla mi nga xamne mom mo wati lan teba mom mo wate dafa nak de len faj mune me bu len fajo ci lu haram hadith bi inna allah ma ja'ala wa ummati fi haram yalla djibul sa para sama xet ci lu haram benen hadith bi ko daata daaw bi xamni dem fajo sangara li ñu bu ñu xolé lolu borom mom rahmatullahi alayhi dañ ci xajalo ci ñaari groupe c'est dire que donc groupe ñom ñepp d'accord nañ ci manière générale ci ni lu xaram waru ñu ci fajj ñom non de manière générale d'accord nañ ci manière générale d'accord ci yi ci li leetal ci do ñu wara ma jindi ko ñu wara xolé la ak sobe tamit ñu lo xamanteni tak nañ ni nangam sobe la do ko fa wara ma jindi ko par conséquent ko ay kharama ayo lolou ñepp d'accord nañ ci manière générale hein sauf que bu ñu ñëwé ci détail yi ñu gis né borom xam xam ni dañ ca té wuté lañ ci ñam bu ñëwé ci moyen de dafa yenn et yenn ala figure bu ñu jëlé khanafiyé yi maamu ci rahmatullah alayhim ñom dañ nan non non mais nak ñoom ñepp d'accord nañ ci ne suñu amul leneen luy fat bir ni manam tay goum buma ko mëne fat mercure kërëm amul lan sangara da nga do haram mo defandiko bi nga xamne mom lan sangara da bir ko ci groupe bo non ñoo manam non lañuy raisonner manam légui nak fu fekkante may amu benen produit bu mëna fa ci ma bom bi loolu ma jël alcool def ko ci ñu nekk ci buma wala bok mën na am mercure chrome mais buma ko bëggé am out fiye boba day yag té bom bi mën na fay gëna metti mën na fay gëna téggé boba day daal dagal ma defaliku alcool stade ci bo donc ñom ci jaxal manam mesure yoy lañuy wax cependant voilà ñom légui mais manam par exemple hanafiya rahmatullah alayhim ñom lolu lañuy wax and shafi'i rahmatullah alayhim dinañ d'accord ci lolu mais ñom ñepp d'accordu ci c'est la que shafi'i rahmatullah alayhim dañ d'accordu ñom ñepp man ci ma sax ni ma effectivement mu nay jëfandiko non am bir ni légui buñu jëlé ñi nga xamanteni ñom ñoy hanabilay maliki ak hanabilay rahmatullah alayhim ñoo d'accord nañ ci né sangara manam attention faut dire que bon dina ñew ci cadre figure bi nga xamné moy lor bi nga maliki ak shafi ak hanafiya rahmatullah ak hanabilay mom ram ñu dañu dafa arab wa kullu hamd fa lor mu mënu leenu musa ka walé bu fa daga nako lor man dañu Voilà. Quel que soit, parce que même moi, parce que c'est haram. Quand tu dis que l'âme de l'âme, vous avez mal compris le texte. Parce que le texte, beaucoup de l'homme, texte, parce que charia, c'est un homme qui raison. Parce que charia, je peux dire, d'accord, on a une question de l'âme, je peux dire, nous ne l'avons pas. Mais, madame, on peut retrouver, on peut retrouver, on peut retrouver, ñi ngi koy xalé mu defandiko xalé yitt na ci ba li ci lu turu wat wërgu yaram mo upp doole xéré biñ koy xéré mu lan defandiko xalé té bu bayé non bokkum alors que mën na defandiko bir mi day faju motax ñom ñu wutal ko règle bu précis moy né il faut que ñu woor ni affaire bi tax mo da règle bobu lañ ko jëfëndiko manam ñoom dañu par exemple tay donc mom rek ka fi wara nek comme lan comme luy fadiaté lool benn cas benn condition la deuxième condition moy da fay woor ni lay jé ñu ne len mais non mais lu sobe lu faje yentibi bi so sobe mënul faje yentibi wax nako allah taala neena yalla def lu ci sama xel bi luy faje no mais sobe ci faje ñu ne non mais non na pas compris c'est que man sangara lay wax mais waxul sobe yi ñom sangara la wax la wax ñom sobe mo da ñom ñu def différence entre sangara ak luy fi def and ak na bu dewe ba nga xamantene du luñuy won manam du luñuy won mais luñuy laal ci yaram la budé sangara rek amuna fac manam lu am sangara produit bu am sangara wa graw bi nga ko ñom jottal sal bobu lañ def légui ñu la lay après ñam ci nan mais xana gisoo le même yenen sobe yi sax na né xolal xolal hadithu ar-raniyyi sax torani yene ben hadithu bo xamantene mi ngi ci ñaari taxet yi imam bukhari ak muslim rahimahullah ayma yenen tibi sallallahu alayhi wasallam hadith sayyidina anas la ibnu malik radiyallahu anhu dafa am mu ne da fay nekkale ñaari gaay yo xamne be ñaari groupe manam ay wala wala manam dal ci ka ci ay gaay dañu jugge won sen village bi ñew ci kaw ba bi ñu ñewé mu ne fatahul madina manam jawu madina yi ari xawa xam nga moy comme nit ki bu deme ci dik bo xamantene minu fa ñu yoy tem climat bu def bi changement climatique ci yoy xam ko laal mu febar voilà lool nak mo lañ xal legi ñom bañu deme yeen ci sallallahu alayhi wasallam ne len legi ni ngeen di def man du tuubul yeen ci sallallahu alayhi wasallam ne len legi ni ngeen di def moy da ngeen tan ak sam fam bi wala ci bi dekk bi fa amna jittu gellem wala demé ci jittu gellem gogo ngeen nan mew mew mew gellem bi manam taxaw manam kon ñu boole déwolu gellem bi ak mewam biñu len boole ñu nan ko légui ci ko nané le dañu wé mais mais ñoo amuñu fofa moy dañoo ray sammu ba paré baram sakage jëpp yi ak jëpp yi ba paré ndaw jamono tangor la won nak ak nga désert bi ñepp bi jamono tangor ni mi mel gaay yi dem ñu xabar bi yeen ci sa xam nañ leen dab ñu dab leen yéne ci bissala samné nañ ko du sen loxoy sen tanki di wat la ñu def ko wa mu né nañu leen bayyi ci tangor yi ñu laj buñu ñaané buñu né nañ leen may ndox bu leen kenn may ndox buñ né nañ leen lan ha nañ leen soobé bu leen ci soobé ñu bayyi leen non dañ ci di def non ndax manam punition la parce que liñu def parce que déjà déjà ndiek gi que ñu fébaron ñu xalé ñu ñu reconnaissance bobu deuxième chose bi moy ñu ray nit manam ñu ray ko dara ba sakage jëpp ni et cetera manam da xéet jëpp ñu ñaw gogou dal ak ñu doxala motax ñu def leen non légui biñu def leen bi mbir ni xewé nonu gaay légui ñoo alors que djug a chaté Allah dañ nan djug yek gis nga hadith bi ci fi jang ben affaire bu am solo xam ngeen djum yeesu sallallahu alayhi wasallam bu len djulle han la tassallu fi marabibe ci li manam bu len djulle ci djipu gele pourtant djipu xaa mën nañ ta djulle mais djipu djulle mune pou pas djulle lolu limi tek moy jittu xarmo manam kon ay neferam ay ngolam lan la lab la ñu bu gëlem dafa sobe do na tax ñu téré ko wala nak kon tay leen gis ngeen mew mom gis ngeen kon dul leen manam sawam yi ha ñeen ko dafa sobe wa mais pourtant yeen sa sa neewon na ma nañ ci fa def kon ce qui veut dire que fagn ci sobe lolu amul problème lutax parce que li ëpp doolé moy sobe nit ki voilà manam ñom fofu lañu rek fofu lañu gënné ci wax ni mais malik kharaj bi rahmu allah dañ biñu d'accord ci lolu d'accord lu ci d'accord parce que ñi non gëlim ay def nataram ak ci beewulum duñu sobe lool mom motax parce que ñu d'accorduñ ci les sobe lañ ñun liñu d'accord plutôt moy du sobe té li wala ni du sobe motax ñom ñu ak ay dafa manam ñom dañ japp né lool du sobe déjà ci tax du sobe nak simple c'est à dire que bu boba liñuy wax ni lan motax kon lim ci ñu dulli ci ciitam mu ne tax yent la fam daf ni dalu innaha min ash-shaytan ci ñeneen rew wax innaha khuliqa min ash-shaytan khuliqa min ash-shaytan manam hadithu bu nek ci sunan imam wala ci sunan imam abu daud rahmalahu manam ci shaytan lañ ko bindé motax shaytan lañ ko bindé manam lolu nak ñu né shaytané waaw manam tekki wul né shaytané ci jëmmé bopam moy élément bi ñu bindé gëlë mais dafa mel ko hadith bi né khuliqal insanu min ajal nit dañ ko bindé ci yakam ci manam nit dañ ko bindé ci yakam ci manam ci sa bu ci sa bu ci ci yakam ci moy élément bi ñu jël bind ci nit mu tabaxé ko ko mais limi ci moy dañ ko bind ci jikko jojo wala et que gëlëm tamit dañ ko bind ci jikko jojo lool moy raison bi tax bo lekke yap gëlëm yeen ci sallallahu alayhi wasallam ne na nga la japp wa lolu mom motax mu ne ku mer na nga la japp parce que la mer lan la xal la bu sheytan di tan ci ko nit mu ne xana gisu len nit bu mere ba jere ko mu ne kon kon ka lolu mom motax kon dañ ko wara nit ki di japp wa ko bo ko nit ki japp wa sam japp bi du ko parce que ñom ci da point du da du public japp bi déjà du parce mom bam da xana gure xana bi la xana dañ japp na xana taw mais à part ñom ci da japp bi kon du fara tax ñaaral bi non seulement du fara tax ñaaral bi mom moy lan mo waral ñu japp moy dañuy bañ jeexitalu seytane gi nekk ci gëlem am ex ci ñom mom motax ni am gëlem lool lay ñoo la yent bi wax le salalahu alayhi wasallam ñoo gëna dëgg xol ci nit ni tamu gëlëm ñu gën ci xol ci nit ñi suuta ñu nekk ci mu nekk kaw kaw yoy noon nga xam ci gëlëm gi lañuy nekk di am di nekk wala et ni tamu jott moy xati buy ñu gëna noy xol ci nit ñi mo wa yaman ci tara mu tuddu ñoon yaan man gis motax yeralte bu neex am na gatt mu ne batu man ni tamu na ko Allah Allah wala manam ke ni sam gas ni di motax ngay gis wala moy exemple bi ñu joxam lan moy day justifier le pourquoi manam bokk ci gawa gora wala parce que dañuy yag ak nakki ñu mëmu wala yag biñu yag ak nakki bi metti ñom mo la di jox bo xelu jikko voilà donc pour revenir légui kon dañuy gis nettement ci mu waral kon lan ñu téré li waral la ñu téré la motax dañuy ñom kon ciu de culture nak yi dañuy gis du gaaw bo ra ñu metti ñok voilà du ci jéni en fait voilà bu ci jéni ci ñu mit ci ñu mi présenté la fréquent voilà environnement wax voilà légui voilà kon jëlëw yi kon lool mo motax yeen ci saasam né nañ ko lan manam nañ jappu nañ ki manam lool moy expliquer mais buñ ko jullé parce que comme sheytane day nekk ci tout temps ci environnement am buñ jullé ci seen jëtt lool rek la donc ce qui veut dire que ni lay bi tek ci néné mu nekk na jëfandiko sobe day dal la c'est que tek bi day dal wul buti quoi di won lu haram mën wala lu sobe wu mëne fu ko jëfandiko comme ça fara ci da bi delu ci wax nekkat lan ci ciosanam ne lepp lu haram lepp lo xamne sobe la da koy jëmo ci day haram jëfëndiko comme étant haram buñu xolé nak amna ay raison mu koy gëna dëgeural li wone ne ci xatan comme ni maliki rahmatullah alayhi ak kharam bi ci wax mu moy li gëna dëgeul ci buntu bobu rahmatullah alayhi ndax bokku na ci li koy dëgeural moy li ko manam sharia dafa téré de façon lu haram ak lu xabeu ci li tax mu téré ko bokul ak lan mo tax mu téré ko ci ñi nga xamanteni ñoom ñoo ñu jëk ni comme mi nga xamne non la yam ci bassam mo na wattabi'u an-nabiyya al-ummi alladhi ha yajiduna maktuban fi tawrat yuhallu lahu wala yajiduna maktuban fi tawrat yuhallu lahu tayyibat wa yuharrimu alayhi al-khaba'ith gis nga yeren ci bassam ko dafa ñew ngir ganal lo xamne yu tey lañ fara bi harama li nga xamne dañu xobe manam yu xamne dañu bon baxu kon ce qui veut dire que bi lu baxul le de toute façon kon du mën sa dira bon amna benen précision ci chafi ak hanabi lay rahmat ah ci ñaan chafi ak hanafi manam buñu wax ci précision buma honnête buma waté wax moy né il faut que ni am preuve manam ci terre bi day fi fajaté mais est que wax joonu djugé soit bo xamné djulit la wala bok mu nek lo xamné dañ ko prouver manam ci manam médecin yi dañ ko prouver xam ko xam bu woor ci li dé sax day fajaté même boudé sobé la comme standard mais am na statut yi buy fajaté wala yo et cetera voilà lolu ñoom bok na ci précision yoy voilà dig kon ñu délu ci wat ci yeen ci sallallahu alayhi wasallam kon dafa ñu daganal yi baax mais kharamal yu ñoy won kon yoy buñ ko kharamalé mu nek sobé mu arti ni sobé la bokul ak yahudi nga xamné ñoom dañu fa bi bulmin min alladhina hadu harramna alayhim harramna alayhim wa ba'du tayyibat alladhi uhilla lahum manam yowdi ci koon gi ñu toy mo taxoon ñu dali ñu am yenn ci yu haram yu yenn yu yo xamné yu baax lañ pourtant yu téy lañ yo xamné dañ ko mujjé wul haram ak ñoom mais ñu da ko xépp ci na muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu lool amu ñu lool lepp lu ñu haramal lepp lo xamne dañu acc ni sobe la c'est parce que réellement dafa nek lu bon xamal ci nek ak ngañ rek ci nek ndariñ ñewu ci manam duñu jël est ce ci kaw lool kon lool ben raison la buy wone ni lool tamit day gën ci gëral manam mazhab maliki ak hanabil haram ñaara bi ci mom moy jullit bi lu ngeumum yalla ci gëna deugal di gëna considérer yi nga xamantene ñom ñoy xey ci haram manam psychologiquement da koy bañ c'est que psychologiquement xelam du nangu mu koy consommer wala mu koy jël ci la ray yaramam wala yu mel non manam ko lu muy gëndi di ngeum di gëna yok non lay mel ci ko ko bok ci médecine manam ci safara li nit mo il faut que nit ci am au moins manam mën ko nangu manam xelam ak yaramam manam nim ko constitué manam métabolisme basam mëna nangu lool nonam du yaramam manam du ngay gis ala lek amna safara yo xam tane buñ ko jël ci nan a digal allergique ci nanga han ni da allergique ci produit sanga motax lool du ko fajj et que man ci veut dire quoi ci veut dire que abdoulid bu jëlé yo xaram yoy diko safara wo manam même bu fekké ndere fajj ngay biti bi koy indi ci le problème bu gëna mark encore parce que tout simplement yaramam moko dul nangu xelam moko dul nangu xolam du ko nangu ci ke da koy indil benen febar bu gëna graw même bu fajj même bu ñu dimbu won la ene secondaire du fa am la amna benen febar bu gën graw bu ngui koy jox mo la febar parce que haram dañu leena haramal parce que dañuy lan ñi tax nit ci for yalla ci dobe dañu japp dañu sobe te ñu lañ numa diglo parce que ak di ñu estimer ci ak jëlé yi ngoy dégé day waral mu gëna sori kat yalla donc ci aw yoy yépp ngay dimné li nga xamné mom la mu fuqa omar ci xana bi la rahmatullah alayhi wa yoy mom moy li nga xamné inshallah moy li gëna dëgër waye nak nañu gis né am nañu ñoom benen mbir bu xamné tane teunk nañ ko ci wax joon mu ñu su fekkenti mu ne jëfëndiko yu haram yoy yu sobe wu yoy su lor pas pour fabriquer mais cas de force majeure moins l'or moins nécessité comme nga xamantene mais lolu il faut ñu teunk ko tamit parce que nécessité il faut que d'abord ñu né ñu teunk ko ci ay mbir bu jëf ci mom moy né ah limi ka dafa wara yam rek ci lan hein parce que lan ma obé xamé dama wax yu qaddaru bi qadariha wala bok hein voilà lepp lu ñu daganal ngir lor hein wala nga am daru bi qadariha moy benen qaar lepp lu ñu daganal ngir ne lor motax bu koy nak bu koy dink ci li tegg lor ni kete kay mu ñu jël ko wax comme par exemple tay ñu joxe ben exemple yow tay par exemple buma amé ben baram bi mu am manam ko ba ko dafa am ci dag dag ko mu ko fat ko dama japp dama soxla dara baram ko bu mo koy fat ñu may ma ma tek ci dara buma jël baram bi bandage la wala la ko bi bandu parce que bu mo ko bandé du mo ko dara ci dafa ni permet mo ko mom moy mo pa dikul ya comme ni erreur bi ñu bari def ci yu mel non voilà légui tay buma do fat imagine légui comme ñom lool nangu nañ ko mais par exemple su fekkete la daf nit ci fadi ngara mo fek lool tax fuka yu wuté ci lool même sen bir mom man fuka man ci xana bi la rahmatal lool tax ñu wuté ci bir mom moy même buma yoré sangara manam dem pour jallale lo xam tane am ko la manama fatni awu lenen nako boaso amu diew amu ha len amu sangara rek tax mo war ko jallale booba manam suma ko jallale wul dafay ragal koku dañ koy dagana nga la ko nan parce que mais même si je suis tout de rahmatullah alayhi ci buntu bobu mais li upp ci ñoom dañ ko dagana ngir lan ngir ne dañ ko yobbu comme si yenen alquran di wax nan man turra ghayra ba'din wala 'adin wala isma alayhi inna allaha ghafurur rahim ci mo xamantene da nga lorou ci lek yap mambu wala sangara wala non yambaku wala mid wala dere mais nga lorou ci manam nga nek en cas de force majeure nécessité tax may ma jifandi koko té mo beul buma ko baamu wat voilà lolou yar nek ci ba pare yalla tek ci inna allah ghafur rahim diul won moy yalla dafa digg la kon la diul lu ñu jégg la mëna jégg la ba pare ko yaam yor ma dara manam digg la da ngay gis xek ma bi nek ci mu tek ci baax ñoo moy le li nga def baaxu yalla jéggal na la ko tuddu na yeeram na la tuddu na may la lolou ñu baaxu ci ga woro jéggi gi wala woro jéggi ci fat la dum tous donc lolou mom moy li nga xamne mom la manam mom la mom manam moy ni wala ad-dawlatu yuqaddaru bi wa tuqaddaru bi qadariha manam comme lor dañ koy tek ci nak waye donc ñoo ci cadre figure bobu la c'est-à-dire que kon nit bu fekkante ni sangara ci rek mu lu jallale mbir bi wala yu mel non kokku dañ ko daldi dañ koy daldi permettre wala bo mbir mi kat buñ koy opérer ci nangam buñ ko def ci dé voilà ci affaire bi li rek mo fi meuna nek et que produit bi amna gélatine par exemple wa yoy bo ba ni da nga ko ngir ka rek ni mel non manam ci gatal da ci lu bir yu mel non mais parce que damay fajo ci comme li nga xamantene nonu lako safi ak safi rahmatullah ni ko mo yaatalé touti xantam yi nga xamantene mom lañ waxon ci mom lañ waxon tan yoyu du meuna nek lo xam tane da fay dagal amana lolu inshallah moy li geuna nafallah taala a'lam ala li ko lol mom mo nekkon mas'al benen mas'ala bi nga xamantene mom mo ngi defé won ci inshallah wala mom mo ngi defé won ci ban ci buntu bi ni ci legui mu def amna wala wala dafa wala dafa am lu def wa def wala wa am ta kon manam ci gatal manam buma amé parfum wala ki yoy am alcool yoy mu mënu ko jëfandiko umumul balwa moy lo xamantene nit ñi mënu ñu ci mucc installé manam go xamni nit ñi mënu ñu ci mucc donc umumul balwa mo na do figure ci umumul balwa moy kombanki c'est à dire que bu fekkene ne yow bala nga mana fayeku da xalé ñu ne la wutalu compte compte bobu bank bi mom di la ci jëf nangam manam mom di ci jëf ci jël di ci dundal système da ci yow en quelque sorte ya ngi participer ci dundal système wala non nañ jël cadre figure bu gëna simple parce que bobu cadre figure pertinentul ton exemple bi gëna pertinent moy assurance ñu jël pour wala indispensable ki tawi wala yo lolu amul bar wala adu ke yow boko def mudul mana wala loko man ko ak soxla yi nga xamantene ni mu préférawé ni ko nit ñi soxlawé ci pour mën au moins dund bi mëna normal manam lolu mom lañuy wax ci lolu lañuy wax hajatu sunzalu manziratu darura lol kaayda la buy do ci fa xam nga moy xaja ade adu yi adu mo moy un peu quoi xam nga am auto en realité bu nek ci besoin la c'est un besoin mais voilà mais à un moment donné yeug gi bo bo xamantene sharia da fay jël besoin bobu mu jox ko même la ci dina jox ni lol mom lañ wax al hajatu tunzalu manzilatu darura moy xajjo yi mais xajjo yi lol mom mo tax ay mo tax mu am différence entre darura ci hajati ak mustahsanati xata sharia wutul len différence da dire dafa am lo xamantene darura la moy lor moy necessity lol mom moy bu amul ande moy am wala ñak dundum manam dal wala lol moy darura mu am luñu wax haja moy besoin c'est à dire que tay am quoi lolou daru la lolou lor la moy besoin maintenant kergi am manam couleur ni peinture ko ngi mel non lolou mom besoin rek la quand ça wut photo yi ak télévision bobu ni wax télé écran plat bobu yoyu lolou luxe la mustahsana donc fo ñu gis différence bobu c'est dire que ma am luma lek manam au moins ñu dugg sa bi bu ko defé ma baña ñé koku lolou darura la c'est une nécessité ñang dég légui mu nek wala mu nek sombi wala ñoom ci du ci gaay yoy comme c'est un besoin mu nek hein wala mu nek ñoom ci wu den ñoom ma fay c'est un besoin mais di am tout temps la bonne chair ak yu wel lolu koku c'est un luxe manam il faut ñu xamé parce que chair ñu bëre bëre dañuy tombé ci ay points yo xamantene ci ak chair yi dañu xamewul digënté ñet yoy ak ñet points yu am solo la moy li nga xamné lor la li nga xamné soxla la ndax li nga xamantene mom loolu ak am noflay la fiix la fiix la manam koku luxe la ak yoyu nonu bo len xamé wul tout temps lay nek ci da ngay nek di wax lo xamantene hein manam wala bok da ngay teul addi wala bok ngay def lo xamantene sharia parfois mën na lako bañ permettre wala bok mu permettre lako dafa nga bañ ko jëfëndiko parce que ñak xamé ñak yoyu la léga bu ñëwé kon ci sun cadre figure bi ci question bi ni moy ngay gis né loolu besoin la c'est à dire que besoin la bu yegg tax niveau parfois manam bo xamantene pour mën ay gesté manam ngor bi normalement il faut que manam en médecine manam opto yef loolu lañu am moy comme sama hôpital bok mais opto yef loolu lañu ce qui veut dire que amou mou balwaani c'est à dire que c'est tout ci ni matalé moy comme assurance télé la auto bi c'est à dire que assurance auto bi wala assurance keur bi wala bok bi lay wax sax yow pour nga def ko responsable ci civil bi yoy non xam nga tay man normalement soxlo wu ko voilà normalement parce que voilà mais ci mou koy jël lo force indispensable obligatoire mu jël ko pour cause bon maintenant responsable def assurer qui assurer nangam touriste ah non lolu compte lay da nek lu haramal parce que lan parce que qaddaru qaddaru bi qadariha ma bi khadri darura ha la la xalo lu min waxan ta ma bi khadri darura waxna ko le qaida yo qaddar bi qadariha lepp lo xamne dañ ko daganal mbir lo dañ koy nak ci nak wayam wala dañ koy nak ci nak wayam munuñu ko lu upp lool munuñu ko def lu upp lool wala ci kaw loolu kon loolu mom motax yenn yi ñu mën manam yenn yi ñu koy mën ci daganal mais ba yenn mesure mais comme ça de figure bi nga wax mu baaxa amu ci ben até ni ñu nañu tek jangale bo xamantene da nan lay jangale jigeen bu muuru lu mu ko jangal tout simplement ah non manam limu bëgg wax moy amu ma ko wala parce que lolu mën nga ko comme règle ci bénn société mo am nit ñi xam nañ naturellement ni muuro yoy mais société bu nit ñi du muuro mëno ko ko do comme règle ci sa trace né wala man jigeen ñi bu muuro du ma len jangal voilà exactement mais lolu tam voilà je pense pas que a droit de may nako voilà ala ko le xal voilà kon lolu mom mon ci bon voilà C'est juste un besoin, mais un besoin pressant. Voilà. Mais c'est que je me déboule de rien tout. Non, il y a une différence. Il y a une différence au moment où. Pour la maison, je pourrais créer ma location. Alors que pour la voiture, hein, il faudrait dire que l'assurance de la voiture, hein, voilà, c'est une solution. Alors que par exemple, la comparaison pourrait être sur l'assurance de la maison louée et l'assurance de la voiture. Et non pas pour, voilà, hein, et non pas pour l'achat. Non, c'est vrai, parce que, non, mais regarde la cour en cours pour assurer, pour louer à chaque fois une voiture. Je demande, parce que la location de la maison, même pour me louer sur mon cœur, la maison, c'est-à-dire que je peux dire, par exemple, cette maison-là, je vais la louer, j'habite avec je le souhaite, avec le contrat, mais la voici je ne peux dire arrête. Ça veut dire que je serai obligé de la rendre, de revenir, l'autre à la rendre encore de revenir, etc. Voilà. Voilà, c'est ça, l'autre là, qui c'était un besoin, bon, non mais imagine-toi, non, mais, voilà. Non mais, toi tu peux t'en passer, c'est normal. Comme moi aussi. Mais, voilà, voilà, mais, non, yamouni, parce que... Non, on paye des impôts aussi, hein. Quand on a une autre maison, on paye des... Voilà, ça c'est pour moi là, c'est pour vous, hein. Non, la différence existe entre man me louer sama auto manam me jënd sama auto assuré ko lima ko meuna lekkale mom moy ma jënd sama kër assuré ko mais attention suma bu ko jënd sama auto crédit bu haram do ben wa crédit bu haram sama auto abou ma droit bi par contre. Ah oui, on me doit. J'ai dit qu'on a fait ça, on me doit. Contrairement, moi, je là, voilà, là, je me mets d'accord. Que les gens, voilà dundel sama to be ñaar yu mëna lu comparé ma louer sama auto mo mu jënd sama auto ak crédit am mu jënd sama auto ak crédit wa mëna lañ leen comparé assurance auto bi ak assurance crédit mëna lañ leen comparé mais bu ñu comparé crédit bu auto bi ak assurance auto bi la parce qu'on on parle comme ça voilà. Voilà. Exactement. Comme la différence avec. Voilà. Oui, mais l'indispensable. Voilà, obligatoire, voilà. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Mais quand on a mis au pas, inshallah. Pour bien, il y a un niveau de confort. Inshallah, wallahu ta'ala, wa sallallahu alayhi wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sall subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.